Cours numéro 6. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Qala Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala wa qila li ba'dihim bima 'arafta rabbak? Qala bi naqdi al-'aza'im wal himam. On est toujours dans هذا الفصل الجميل des amthila sur des témoignages sur comment certains, avec la raison, ils ont compris que Allah subhanahu wa ta'ala, il était unique. Et bien sûr que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. فَقِيلَ لِبَعْضِهِمْ Ils ont posé la question à certains, بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكْ Comment tu as su que Allah subhanahu wa ta'ala, il existait, il était unique. قَالَ بِنَقْضِ الْعَزَائِمْ وَلِهِمْ وَمَعْنَ ذَلِكَ أن العبد يعزم في كثير من أموره عزما جازما مصمما لا تردد فيه ثم بعد ذلك تنتقد همته وينحل عزمه إلى تركه وإلى أمر آخر يرى فيه مصلحته أي c'est le changement de choix مثلا l'être humain أحيانا il décide de faire une chose il est sûr أنه مثلا il veut aller dans tel endroit ثم quelque temps il change d'avis. هذا الانسان il a compris de cela que Allah subhanahu wa ta'ala il existait. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout et il est unique. قال وما ذلك لان الله وما ذلك الا لان الله على كل شيء قدير. يصرف القلوب كما يدبر الابدان وقد يصرفه عن بعض ما يعزم عليه لطفا به. Il a compris من هذا ان الله subhanahu wa ta'ala comme il gère la nuit, le jour, et toutes les créatures, subhanahu wa ta'ala, hakada, c'est lui qui fait tourner les cœurs. Un jour, tu es d'avis d'une chose, le lendemain, tu changes d'avis. Tout ça, c'est minallahi, subhanahu wa ta'ala. Wa qala, huna, wa qad yusarribu an ba'd ma ya'zim alayhi lutfan bih. Et ahyanan, c'est min bab al-rahma. L'insan l'avait décidé une chose, cette chose, s'il l'aurait vraiment faite, ça lui aurait fait beaucoup de mal. فالله سبحانه وتعالى guide son cœur et هذا الانسان lui-même il change d'avis et il ne fait pas cette chose ou il ne va pas مثلا dans cet endroit قال وابقاء على ايمانه ودينه فيتلطف به من حيث لا يشعر نعم et كذلك احيانا ربما une décision ou une chose si on l'a fait ça pourrait nous faire beaucoup de mal à notre dîn فالله سبحانه وتعالى il guide ce cœur cet homme ou cette femme il ou elle change d'avis, et tout ça c'est min lutfillah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-latif, c'est al-rahim. Il veut du bien pour l'ibad. Qala, rahimahullah, fa nas'aluhu lutfa fil umur kulliha wa taysir lil yusra. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-lutf. Na'am, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et qu'il nous guide vers ce qui est de meilleur pour nous et le plus profitable. قال وسئل بعضهم بما عرفت ربك عن autre témoignage فقال كم كنت مكروبا ففرج كربتي وكنت مريضا فدعوته فشفاني وكنت فقيرا فاغناني وكنت ضالا عن الهدى فتلطف بي وهداني وهذا تقدم معنا قوله عز وجل امن يجيب المضطر اذا دعاه اي ان le fait qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala خاصة في حالة الكرب والشدة والضيق quand on est dans des situations délicates maladie, pauvreté ou autre et l'insan il demande à Allah subhanahu wa ta'ala et Allah subhanahu wa ta'ala il lui donne cette chose هذا لا شك c'est une preuve que ce dua que tu as fait celui qui a répondu c'est Rabbul Alamin celui qui a répondu c'est celui qui est capable de toutes choses قال وكنت مريضا فدعوته فشفاني وكنت فقيرا فاغناني وكنت ضالا عن الهدى فتلطف بي وهداني ça ça nous montre en celui qui médite sur sa situation personnelle comment tu étais avant et ce que tu es devenu peut-être qu'avant tu n'avais rien maintenant tu as peut-être qu'avant tu n'étais pas musulman maintenant tu es musulman peut-être qu'avant tu avais des problèmes maintenant tu n'as plus ces problèmes celui qui médite sur son propre cas là chaque anna ça va lui servir de leçon pour lui. قال وليس هذا الامر لوحدي فكم له على عباده من هذه النعم وغيرها مما لا حصر له ولا عد وهذا يضطرني إلى الاعتراف بوحدانيته وقدرته ورحمته. نعم، وهذا تقدم معنا. هذا البرهان ذكره الله سبحانه وتعالى، ذا القرآن. الله سبحانه وتعالى إلى ستة سبرهان ست بخب غاسيونيل ذا القرآن. قال عز وجل: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. هذه الآيات الله سبحانه وتعالى إلى ستة سبرهان بخفت محمد عليه الصلاة والسلام أنه إلى أخفنا الله سبحانه وتعالى إلى فاسيليتي Il lui a facilité, il a été élevé par son oncle, حتى c'est devenu un homme. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a guidé. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a donné. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait rien. Il a eu certaines choses, il s'est marié, il a eu des enfants, il a eu son rizq, il a akhri. Hadihi al-Burahin, celui qui réfléchit sur son propre cas, fala shak anna hadha, ça fait monter l'iman du croyant. Et pour l'athée, pour le kafir, normalement, ça doit le faire réfléchir. Al-insan, s'il te donne une chose, même un athée, si tu lui rends service ou tu lui fais un cadeau, ça le touche. L'être humain, il est hakada, il est touché par l'ihsan. Hal jaza ou l'ihsan, illa l'ihsan. Normalement, si le kafir, le mécréant, l'athée, celui qui ne croit pas, s'il réfléchit, ce corps, cette santé, ce travail, cette maison, tout ce que Allah lui a donné, subhanahu wa ta'ala, il voit, il entend, etc. Hein, normalement, ça doit le pousser à être reconnaissant. Hal jaza ou l'ihsan illa l'ihsan. Allah subhanahu wa ta'ala ahsana ilay. Il l'a créé, il lui a donné. Normalement, l'insan, il doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. En l'adorant seul. Wa qila li ba'dihim, un autre témoignage, bima arafta rabbak. فقال قد رأينا وراء الناس في الدنيا مصارع البغاء المجرمين وعواقبهم الوخيمة كما رأينا ورأوا في المحسنين عواقبهم الحميدة فعجل للعباد نموذجا من الثواب والعقاب ليعرفوه ويخضعوا له وحده ويعبدوه وحده. هذا تقدم. On l'a vu en détail précédemment. أي le fait que Allah subhanahu wa ta'ala récompense ceux qui font du bien ici-bas. Ceux qui donnent Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne plus. Et kadalik Allah subhanahu wa ta'ala, parfois, il châtie al-mujrimin, al-bura, al-zalimin, ici-bas, avant l'au-delà. Tu vois, celui qui fait du mal, celui qui est injuste, du jour au lendemain, il tombe malade, il a des problèmes, il a akhiré, tout ça, c'est à cause de son injustice. Et qui c'est qui a qadar, qui c'est qui a décrété que cet injuste, il sera puni ici-bas? Ça montre, ça prouve l'existence du Créateur subhanahu wa ta'ala. Et ce point, on l'a déjà vu. Walillahi alhamd. وقيل لآخر بما عرفت الله فقال بإيصاله النعم إلى خلقه وقت الحاجة والضرورة إليها. هذا تقدم معنا كثيرا أن لبينفذ الله سبحانه وتعالى c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il existe. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فتوتس نعم que les êtres humains, ils ont tous ces bienfaits, toutes ces choses dont ils profitent, comme nourriture, comme boisson, comme bonne santé, comme matériel, etc. Ça prouve l'existence d'Allah, subhanahu wa ta'ala. قال هذا الغيث. الغيث, c'est la pluie. ينزله وقت الحاجة ويرفعه إذا خيف منه الضرر. هذه, c'est une ni'ma azima. أن أحيانا, dans un bilad, ils sont touchés par la sécheresse, ثم الله, subhanahu wa ta'ala, il qadar que la pluie, elle tombe. Thumma, cette pluie, elle s'arrête. L'imad, il y en a, s'il pleut trop, ça devient un mal pour l'ibad. Trop de pluie, trop d'eau. Les inondations, etc. Faman qaddara hadihi l'umour. Qal wa hadha l'faraj. Yati d'ashtadat al-azamat. Wa hadihi l'matalib ta'ti minhu waqt al-hajati ilay. Sahih. Khasatan waqt al-azamat. Al-azamat, c'est les moments difficiles. Les épreuves. Ce qu'on a vécu et ce qu'on continue à vivre, cette épidémie, هذا الوباء, نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرفع عنهم هذا البلاء. لما اشتدت à un moment, c'était très très difficile et c'était compliqué. Les gens, ils pouvaient plus sortir de chez eux, إلى آخره. فمن خفف هذا الوباء? Qui c'est qui a facilité aux gens? Et du jour au lendemain, tu as vu, on a tous vu que ça a diminué. Les gens, wallah, ils ont commencé à ressortir, à pouvoir profiter de certaines choses, il a akhiré. Alladhi yatadabbar, celui qui réfléchit via dal-hal. Wallahi alhamd al-muslimoun fi waqt al-dhayq. Et on l'a vu pendant cette épidémie, beaucoup de gens ils sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont fait ad-du'a, ça les a poussés à se soumettre, à se remettre en question, ila akhiré. Fa fi waqt al-faraj, quand Allah subhanahu wa ta'ala yukhaffif 'anna, et l'épreuve elle commence à disparaître ou à diminuer, on ne doit pas oublier shukra hadhihi an-ni'ma. Amma khalas, le déconfinement il est fini, on sort et on oublie tout. Plus de salat, plus de rose, plus d'ilm, plus de rappel. Kama huwa hal al-ba'd. Ça montre que certaines personnes elles ne profitent pas de ce qui les touche. Et al-mu'min al-muwaffaq, le mu'min à qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien et que Allah il a guidé, il tire des leçons de ces épreuves. Ce déconfinement, ou plutôt le confinement et l'épidémie, c'était une épreuve azim. C'était une grosse épreuve pour la plupart des gens. Et al-muwaffaq, c'est celui qui a tiré des leçons de cette épreuve. Ça lui a permis de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et après l'épreuve, d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, qui c'est qui a qadr, cette épidémie, elle s'est propagée? Qui c'est qui a décrété thumma, que cette épidémie, elle diminue ou elle disparaisse dans certains endroits? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre que le créateur, il existe. Ce n'est pas des choses qui viennent à Hakada toutes seules. Qala, wa hadhihi al-matalib ta'ti minhu waqt al-hajati ilayh. Wa hadhihi a'da'u al-adami wa quwah. Wa yu'tiha Allah iyaha shay'an fa shay'an bihasb hajatihi ilayha. Et là, c'était le sujet de notre conférence, walillahi alhamd, il y a deux jours, dimanche. Hadhihi al-a'dha, ces membres que chaque être humain possède en général, et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui perfectionne ses membres, ou il lui améliore ses membres jour après jour. Quand il est petit, il n'arrive pas à marcher, thumma petit à petit il marche, thumma il comprend le kalam, thumma il arrive à parler, il arrive à un certain âge, il arrive à travailler jusqu'à sa mort. Famen, qui c'est qui a facilité à cet être humain de basculer d'étape en étape, de s'améliorer, de progresser? Qala, fa hal yumkin an takun hadhihi al-umur sudfa? Est-ce que c'est possible que hada, ça arrive tout seul? Là, cette évolution de, si tu prends l'être humain, un liquide au départ, fi qararin makin, dans cet endroit, l'utérus de la femme, thumma, cet embryon, au bout de quelques semaines, cet embryon prend forme, thumma, au bout de quelques mois, cet enfant qui sort du ventre de sa mère, avec toutes ses faiblesses et ses manquements, il a akhiré, thumma, cet enfant, au bout de quelques temps, il sourit, thumma, il parle, qabla dhalik, il marche, thumma, ça devient un homme, wahakada, toute cette évolution. Est-ce que hada, ça peut venir sotfa? Sotfa, c'est comme ça, par hasard. Personne ne gère. Abadan. Rabbul alamin, azza wa jal. C'est lui qui a créé hada l'insan pour l'éprouver. Qala, fa hal yumkin an takun hada, ou kanahu hadihi, on a hada, nahnu. فهل يمكن أن تكون هذه الأمور صدفة أم يعلم بذلك علم اليقين أن الذي أعطاهم إياها وقت الحاجة والضرورة هو الرب المعبود الملك المحمود؟ Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute que dans notre propre corps, chacun de nous, il a en lui des signes énormes sur l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'existence du Créateur. Lakin, ce qui fait du mal à l'être humain, c'est al-ghafla. Ce qui fait du mal à l'être humain beaucoup, c'est al-dunya. Il oublie l'objectif principal. Qawluhu azza wa jalla wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé que pour l'adorer. Kadalik, l'être humain, à cause de cette dunya, il oublie annahu, ce qu'il vit l'un, c'est pas la demeure éternelle. Ce bas monde, il disparaîtra. Et on retournera tous à Allah subhanahu wa ta'ala et on rendra tous des comptes. Enfin, vu que l'être humain, il oublie ces deux points, l'objectif principal, fi dunya, et il oublie kadalik, la demeure finale, imma al-janna, imma al-na, ça pousse cet être humain à se faire beaucoup de mal. à tomber dans l'insouciance, à tomber dans cette dunya et oublier le pourquoi de sa création. Belbardon, ils ont atteint un niveau, ils ont même oublié, à rejeter, et ils ont mécru que هذا الكون et eux-mêmes, ils ont un créateur. قال قلت ومن هذا الباب ما نتكلم فيه من معرفة الله فإنه لما كانت حاجة العباد إلى معرفة الله فوق جميع الحاجات والضرورة إليها فوق جميع الضرورات يسرها الله لعباده ونهج لهم طرقها. نعم, vu que les êtres humains, ils ont besoin de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont besoin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a facilité. Il a envoyé des messagers, il a envoyé des livres. Après la mort des messagers, Allah subhanahu wa ta'ala, il a guidé des savants. Et il leur a facilité. Et كذلك, tout ce qui, à notre époque, tous ces livres, tous ces audios, هذا العلم, الغزير ولله الحمد, tout ça c'est من يسر الله سبحانه وتعالى, et c'est من فضل الله عز وجل على العباد. Tout ça c'est pour nous faciliter l'apprentissage de notre dîne pour pouvoir mettre en application cet objectif principal. Et adorer Allah سبحانه. قال يسرها الله لعباده ونهج لهم طرقها وفتح لهم أبوابها ومسالكها وأوضح أدلتها وذلك لشدة الحاجة إليها وسعة رحمة الله وإحسانه. نعم, tout ça c'est من فضل الله. الله سبحانه وتعالى يسر هذا الدين. لماذا؟ لأنه c'est أرحم الرحيم. Il nous a ordonné de l'adorer, il nous a facilité l'adoration. وقيل لبعضهم بما يعرف الله فقال يعرف بأنه علم الإنسان ما لم يعلم خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. Ils ont demandé à un autre, comment tu as réussi à reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est le créateur. فقال علم الإنسان ما لم يعلم. Qui c'est qui a appris à هذا الإنسان? صحيح, ce bébé au départ il ne parle pas, il ne raisonne pas, il ne comprend pas. Thumma petit à petit, en écoutant les autres, il parle. Thumma petit à petit, il arrive à discerner le bien du mal, le profitable du néfaste. Thumman, qui c'est qui a facilité à cet être humain d'évoluer hakada? قال خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا. مع هذا الضعف في العلم, كذلك ضعف في الخلقة. Cet être humain, quand il sort du ventre de sa mère, il ne connaît rien. Il ne sait pas parler. Il ne raisonne pas. Il est très très faible. Il est incapable de pouvoir rechercher lui-même sa subsistance, de se protéger. Allah subhanahu wa ta'ala, ma'ahada, il lui facilite des parents ou des autres personnes qui s'occupent de lui. Hatta cet être humain, il arrive à un niveau et rubbama, ça devient un savant de l'islam. Rubbama, ça devient un savant dans un des domaines de ce bas. Men, qui c'est qui a facilité à cet être humain toutes ces étapes? Allah subhanahu wa ta'ala dhakara hadha fil Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ce point dans le Qur'an. Qala azza wa jal, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vous a fait sortir des ventres de vos mères et vous ne saviez rien. Qala وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تأمل dans ce verset, c'est cité la preuve, Al-Burhan, Al-Aqli, on doit réfléchir, Annaka, tu connaissais rien, tu étais très très faible, mais maintenant que tu sais parler, tu sais écouter, أيها الإنسان, tu rejettes la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir cité les ni'am, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةِ. تأمل ces trois bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné l'ouïe, on entend, والأبصار, la vue, والأفئدة, et des cœurs. Pourquoi? لعلكم تشكرون. C'est ça le but de هذه البراهين. On n'étudie pas نحن هذه البراهين qui prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala et توحيد الربوبية على طريقة المنحرفين comme جماعة التبليغ ou les autres égarés. لا, أبدا. Si on étudie هذا ولن سمين باب الدعوة pour ceux qui en ont besoin, les athées, les kuffars, etc. Et كذلك سمين باب الشكر. سمين باب الشكر. أي هذا التوحيد, توحيد الربوبية, كالله c'est lui le créateur, c'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وإلا فça suffit pas. Si un athée, parmi les athées, on le répète, il reconnaît l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, لكن il ne veut pas se soumettre, Il dit, non, ce que vous avez cité, si on qadar maintenant un athée, il dit, ce que vous avez cité, c'est tout à fait logique. Je reconnais en fait qu'il y a un créateur et ça s'arrête là. On lui dit, si c'est le créateur, tu dois l'adorer. Comment l'adorer? Tu dois rentrer vers l'islam. Tu dois te soumettre à Allah, tu dois suivre le prophète Mohammed, tu dois prononcer shahada. S'il refuse, enfin, sa croyance au créateur, elle lui est d'aucune utilité. La reconnaissance, c'est en adorant Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, on répète, hadi risala. Il faut bien comprendre les étapes. Anna, celui qui veut faire da'wah, on répète surtout à ses proches, et c'est des athées. Enfin, là, bout de fil da'wah, tu dois avoir de la hikmah. La hikmah, c'est quoi? C'est mettre chaque chose à sa place. Et mettre chaque chose à sa place, c'est commencer par le début. Enfin, la question qu'on peut se poser, comment faire pour faire da'wah à des athées? On va commencer par quoi? Maintenant, cet athée, tu vas lui dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bunya al-Islam ala khams. L'islam, il est fondé sur cinq piliers. Le premier pilier, prononcer la shahada. Et tu lui dis, prononce la shahada. Enfin, peut-être, ouais, il va te dire, Anna, je crois pas. Pour toi, c'est un prophète. Pour moi, c'est pas un prophète. Et Hakada, il va rester dans son égarement. Anna, si tu lui montres avec Hadi al-Barahim, tu lui montres, Anna, je vais te prouver pourquoi c'est un prophète. Et ce prophète, c'est Allah qui l'a envoyé pour l'humanité. Et Allah, c'est le créateur de toute l'humanité. Et Anna, t'es un être humain et tu as été créé. Et je vais te prouver que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Et tu cites Hadi al-Barahim. Tu résumes. Si tu le touches, Fiada, il accepte. Summa tantaqil. Tu lui montres, Anna, si t'es une créature, tu as des devoirs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a un haq azim, il a un droit sur tous les êtres humains. Et tu lui expliques. Min hadha al-bab. Qala fa'a'tahu alat al-ilm. Wa yassara lahu asbaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a facilité les moyens d'apprendre. Qala falam yazal yata'allam umur dinihi hatta sara aliman rabbaniyan. Wa lam yazal yata'allam umur dinahu. يتعلم أمور دنياه حتى صار ماهرا مخترعا للعجائب ويسر له كل سبب ينال به ذلك. ثم cet enfant jour après jour, mois après mois, après année après année, يتعلم ربما, comme on a dit, ça devient savant dans la religion ou un savant dans la médecine. Qui c'est qui lui a facilité هذا? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin akthar an-nas la yashkurun. Qala wa min ajib al-amr an al-lawh idha kutiba fihi wa shughila bi shay' min al-ashya. Ta'ammal cet exemple que Cheikh Saadi l'a cité rahmatullah alayh pour montrer al-ilm. Hadha al-lawh, ce qu'on appelle à notre époque des tableaux. Idha kutiba fihi shughila bi shay' min al-ashya lam yas'a ghayraha. Un tableau. Un tableau, si tu écris quelque chose dessus, ça dépendra bien sûr de la taille du tableau, mais au bout d'un moment, le tableau, il sera plein. Pour écrire une autre chose, cette chose, ça peut être de la science, ça peut être un verset, ça peut être un hadith, ça peut être une science de ce bas monde. Lakin, ce tableau, tu es très très limité. Tu pourras écrire une ligne, deux lignes, trois lignes, et après, pour citer, pour exposer une autre science, tu es obligé d'effacer. T'as un mal au cet exemple. قَالَ لَمْ يَسْعَ غَيْرَهَا. Ça s'arrête là. Peut-être que ce tableau, tu pourras écrire trois lignes. Et ces trois lignes, ça va être une science. Mohim, ça sera trois lignes et il y aura des enseignements dans ces trois lignes. Tu pourras pas citer plus. Sauf si tu effaces et tu rajoutes. قال ولم يمكن أن يكتب فيه شيء يكتب فيه شيء آخر قبل محي ما كتب فيه. Donc si tu veux ajouter une chose, tu es obligé d'effacer et écrire la suite. قال وقلب الإنسان لا يزال يحفظ ويعقل الأمور والمعارف المتنوعة. Si on revient au cœur de l'insan, le cœur de l'insan, c'est cet organe qui accepte l'ilm. Et c'est cet organe qui raisonne. La raison, elle est dans le cœur. Et les sentiments, ils sont dans le cœur. La colère, la tristesse, la réflexion, c'est dans le cœur. La mémoire, c'est dans... C'est Al-Qalb, etc. Bien sûr, Al-Ulama Yuwayinun, il y a un lien avec Ad-Dimar, avec le cerveau concernant la raison, etc. Lakin, comme a dit Avil Adilla, Al-Aql, la raison, elle est dans le cœur. Al-Muhim, Anna Hadha Al-Qalb, Qala, wa kullama tawassa'at ma'arifuhu, wa ghazira ilmu, qawiyat hafidhatu, wa shtaddat dhakiratu. Vous avez remarqué que ce cœur, tu n'as pas besoin d'effacer. contrairement à un tableau. Ce cœur, plus tu apprends, plus tu fais des efforts, et celui qui fait des efforts dans la mémorisation, ya'lam dhalik. Plus tu apprends par cœur, plus tu fais des efforts, plus ta mémorisation, elle augmente. Tu n'as pas besoin d'effacer. Hada, depuis que tu es petit, quand l'âge de la raison, quand tu commences à raisonner, jusqu'à, ça dépend des êtres humains, certains jusqu'à leur mort, ils perdent jamais la raison. Et leur cœur, walillahi alhamd, il est toujours sain jusqu'à leur mort. Peut-être que leur corps, il se dégrade, il faiblit, mais le cœur, il est toujours là. Ça peut durer 50, 60, 80, 100 ans. Alors tu n'as pas besoin d'effacer. Qui c'est qui a créé ce cœur avec cette capacité d'emmagasiner toutes ces informations? Robama, ce cœur, il apprend le Coran par cœur, il apprend des hadiths, il apprend des choses dans ce bas monde, tout ce qu'il vit tous les jours, tous ses souvenirs, sans effacer ou lâcher. Man khalaqa hada? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, c'est un burhan azim. Qala, wa tawassa'at afkaruhu wa hal hadhihi al-umur fi tawqi al-bashar wa qudratihim أم هذا من أكبر البراهين على عظمة الله ووحدانيته وكماله وسعة رحمته وكذلك الله سبحانه وتعالى il a facilité à هذا العب à notre époque avec les nouvelles technologies de fabriquer مثلا c'est plus des tableaux qu'on a aujourd'hui les ordinateurs tout ce qui est disque dur pour stocker les informations tu peux trouver une très petite puce et tu peux emmagasiner énormément d'informations Qui c'est qui a facilité à Hada al-Abd d'arriver à ce niveau? Et ma Hada, cette puce ou cet ordinateur, ça ne sera jamais comme le cœur de l'être humain. Cet ordinateur, il a besoin d'être branché. Cette puce, elle a besoin d'être lue dans un autre appareil, un téléphone, un ordinateur. Kadalik, il faut rechercher les informations. Cette puce, elle peut tomber en panne à tout moment, tu perds toutes tes informations, tu dois formater. Et là, le cœur, tout cela, il n'y a pas. Idnillah Azza wa Jal. Tu n'as pas besoin de brancher, tu n'as pas besoin. Mais fadlillah subhanahu wa ta'ala, ton cœur, il arrive à comprendre, à emmagasiner. Fata'ammalu ba'd an-nas, ils sont impressionnés. Et ahyanan, il y a de quoi être impressionné par les nouvelles technologies là. Et il oublie, hada al-udhu, al-ajib, ce cœur que chaque être humain possède avec toutes ces choses très très impressionnantes. Al-kafir, il vient à méditer sur cet organe faqat. Peut-être que ça le fera réfléchir. Fallait hada shir, il l'a cité huna. Thumma qala wa qila li ba'dihim bima ya'rafu Allah. Fa qala hadhihi an-naw'atu yaghrisuha an-nas. Fa ya'ti minha an-nakhil wal ashjar al-mutanawwi'ah wa takhruju ath-thimar al-ladhida an-nafi'ah. Wa hadhihi al-hubub tulqa fi al-ard fa takhruju asnaf az-zuru' allati hiya maddatu aqwat al-adamiyyin. وبهائمهم ثم لا تزال تعاد وتغل كل عام ما يكفي العباد ويزيد عن حاجتهم تأمل هذا أن à partir de la même terre ربما la même graine avec la même eau donc tu as trois choses tu as la terre tu as la graine qui est plantée dans cette terre et tu as l'eau il faut arroser pour que cette graine elle pousse ça devient un arbre une plante un fruit un légume et l'akhir فمن يسر que cette graine si un cette graine on te demande de faire sortir de cette graine un fruit ou un arbre une plante si toute l'humanité on se rassemble on pourra pas enfin Allah subhanahu wa ta'ala de cette graine il fait sortir هذا الشيء العجيب cette ni'ma كذلك احيانا c'est la même graine dans la même eau dans la même terre et ce qui sort c'est différent imma la couleur elle est différente imma la forme elle est différente Imma le goût, il est différent. Kadhalik, dans la même terre, ahyanan, c'est un fruit sucré. Thumma, dans la même terre, il y a un légume qui pousse, il est amer. Fa'alladhi yata'ammal fi hadhihi al-umur, fala shakanna. Toutes ces choses, ça peut pas arriver tout seul. Comme on a cité, walillahi alhamd, dans notre conférence, la parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, anna hadhihi al-umur, c'est clair. Al-kafir, il aura une réponse, l'athée, il aura une réponse, en disant la nature. Et l'imam al-Qayyim, rahimahullah, il a répondu avec un kalam jamil. Anna, ce qu'ils appellent la nature, hum, et rien, il lui donne des sifat, c'est al-Khaliq subhanahu. La nature, ce qu'elle a fait, c'est impressionnant. Et il cite des choses, quand tu lui montres que ça, c'est les sifat d'Allah, c'est le créateur qui a fait ces choses, c'est pas la nature. Qala, rahimahullah, alaysa hada burhanan ودليلا على وجود الله وقدرته وعنايته بعباده ورحمته. كذلك qui c'est qui profite de هذه الزروع؟ C'est les êtres humains. Que ce soit le blé, que ce soit les fruits, que ce soit les légumes, que ce soit les arbres, les plantes. Enfin, les êtres humains, ils en profitent pour manger, pour se soigner et pour beaucoup de choses. قال وقد نبه الله على هذا الدليل والبرهان العقلي المشاهد في قوله تعالى فالق الحب والنوى وقوله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. أكثر هذه البراهين سنسيتي في القرآن. Que ce soit lié aux animaux, que ce soit lié au soleil, à la lune, à la nuit, au jour, aux plantes, aux fruits, aux légumes, au corps humain, à la création de l'être humain, toutes les étapes. Tout ça, c'est cité dans le Coran al-Karim. Lémada Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité ses barahin aqliya dans le Coran al-Karim pour que l'être humain médite, il réfléchisse. Falihada fi bab al-ta'wa, c'est très très important d'utiliser hada al-barahin. Surtout, bien sûr, pour ceux qui en ont besoin. وقيل لمن بادر إلى الإيمان بالرسول ما الذي دعاك إلى ذلك فقال رأيته ما أمر بالشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. Ils ont demandé à واحد لماذا tu crois au message d'Allah عليه الصلاة والسلام. C'est quoi qui t'a poussé à croire? قال رأيته ما أمر بالشيء فالعقل فقال العقل ليته ليته لم يأمر به. Et il a compris avec sa raison que tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de faire ou conseillé de faire, c'était pour notre bien. La raison, elle accepte ça. Fa matalan le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Est-ce qu'il y a un mal? Il n'y a aucun mal. Belle, c'est la reconnaissance même. On a été créé, donc je suis reconnaissant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné d'être bon envers nos parents, envers nos voisins, d'aider l'orphelin, d'aider le pauvre, d'être véridique, d'avoir un bon comportement, d'être pudique, d'être modeste, de ne pas faire de mal aux autres injustement. Il a akhri. Est-ce que la raison, elle rejette hada? Al-Kuffar, ils appellent à certaines de ces choses, lakin, au nom du vivre ensemble, au nom de la fraternité. Ça prouve quoi? Ça prouve que la raison de tout le monde, elle accepte ces choses. Lakin, les kuffars, ils prennent ce qu'ils veulent et ils rejettent ce qu'ils veulent. Et ils ont délaissé la base, la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Falihada, c'est d'aucune utilité. Qala, walana an shay fa qala al-aql laytahu amr rabbih. Naam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit le vol, l'injustice, le meurtre, bighayri haqq ila akhirih. Tout ça, bien sûr que la raison, elle accepte tous ces interdits. قال فاستدل بنور عقله وقوة بصيرته على الصدق الرسول باشتمال ما جاء به على الصلاح ودفع الفساد وأن ذلك موافق للعقل للعقول السليمة. نعم. Donc هذا البرهان العقلي sa raison elle a accepté بالجملة le message du prophète عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم il appelle quoi bien et il met en garde contre le mal. وقيل لبعض العارفين بأي شيء يعرف الله فقال بذوق حلاوة الطاعات وتجرع مرارة المخالفات. أي ما يحسه خاصة المؤمن dans son cœur. أي quand tu fais du bien, tu ressens un bien-être, quelque chose de taïb dans ton cœur. Ton cœur, il est tranquille, il est apaisé, etc. Quand tu fais du mal, tu sens ton cœur, il est serré. Tu n'es pas bien. هذا ça montre quoi? قال وهذا استدلال برهاني وجداني لمن وفق لهذه الحال يضطر العبد إلى كمال الإيمان وزيادة اليقين فإن من وجد حلاوة الطاعات والإيمان وذاق لذة اليقين وتألم إذا غلبته النفس الأمارة بالسوء على اقتحام بعض المعاصي اضطره الأمر إلى معرفة الله ووحدانيته. نعم هذا صفين الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان فطر على هذا. C'est pour ça que ceux qui sont encore على الفطرة ils ressentent هذا. Et ولله الحمد les croyants le ressentent. Quand il fait une chose mauvaise, même s'il est tout seul, même si personne l'a vu, ça le gêne. D'où elle vient cette gêne? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a mis هذا في قلب العبد. وإلا s'il n'y aurait pas de créateur comme Ayakouloun, et tu as fait quelque chose de mal, personne ne t'a vu, pourquoi ressentir une gêne? Tu risquerais rien. Lakin, cette gêne, elle vient d'où? Elle vient de la fitra que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis dans le cœur. Et pourquoi cette gêne? L'être humain, il a créé un nahou. Il sait très bien que l'injustice, elle ne restera pas impunie. Il viendra un jour des comptes, un nahou, il devra rendre des comptes. L'insan, il ressent cette gêne. Ou hakada, pour les bonnes choses, un nahou, il ressent de la quiétude. وَقِيلَ لِبَعْضِهِمْ بِأَيْ شَيْءٍ يُعْرَفُ اللَّهُ فَقَالَ بِانْتِظَامِ الْأَسْبَابِ عَلَى وَتِرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ بِتَحْوِيلِهِ لِبَعْضِهَا وَمَنْعَ سَبَبِيَّتِهِ وَبِإِيجَادِهِ أَشْيَاءَ بِغَيْرِ أَسْبَابٍ تُعْرَفُ قَضِيَّةُ الْأَسْبَابِ. Et ça, c'est un burhan azim. En Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les choses avec l'asbab. قَوْلُهُ عَلَى وَتِرَةٍ وَاحِدَةٍ, c'est chaque chose, en général, elle est liée à une cause. Maintenant, le feu, ça brûle. L'eau, ça mouille. Si tu touches de l'eau, tu seras mouillé. Si tu approches du feu ou tu t'es en contact avec le feu, tu seras brûlé. Lakin ahyanan, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait que cette cause n'a plus d'impact. قال وهذا صحيح فإنه تعالى أجرى الأمور على أسبابها ومسبباتها قدرا وشرعا comme on a vu auparavant dans notre درس dans le تقريب ليعرف بذلك حكمته البالغة ولينشط العاملون على أعمالهم التي ربطها الله بمسبباتها. هذه c'est une حكمة عظيمة. الله سبحانه وتعالى il a fait que les choses elles sont liées à des causes pour qu'on fasse des efforts. On fasse des efforts. Tu veux manger, tu fais des efforts pour manger. Tu veux un enfant, tu te maries. Tu veux aller au paradis, tu fais les causes. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. قال وأجراها على سنته ثم إنه مع ذلك منع بعض الأسباب عن ترتب آثارها عليها كما في معجزات الأنبياء الخارقة للعادة وكرامات الأولياء. مع هذا أحيانا ces causes elles n'ont aucun effet, aucun impact. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il fait ce qu'il veut. قال وكذلك يوجد كثيرا من الأشياء بغير الأسباب المعهودة كما أوجد عيسى من أم بلا أب ويحيى بين أبوين لا يولد لمثلهما. نعم. وآدم عليه الصلاة والسلام sans père et sans mère. عيسى عليه الصلاة والسلام il n'avait pas de père. Alors que la base, l'enfant, pour qu'il naisse, il faut un père et une mère. Allah subhanahu wa ta'ala il a créé عيسى à partir d'une mère, sans père. Il a créé Adam sans père ni mère. قال وأشياء كثيرة من هذا النوع. On peut citer كذلك le feu, l'histoire de Ibrahim. الله سبحانه وتعالى نجى إبراهيم. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Alors que le feu à la base ça brûle. Qui c'est qui a préservé Ibrahim من هذا النار؟ Alors que Ibrahim il a été jeté dans ce feu. مع هذا celui qui est garé même s'il voit هذه البراهين العظيمة celui que il ne recherche pas la guidée, il ne veut pas la vérité. Allah سبحانه وتعالى il ne guide pas son cœur, il n'acceptera pas. On avait fait une kalima fi hada wallah alhamd il y a quelque temps. Nasit l'unwan, malgré tous ces signes, il ne croit pas au hakada qu'on avait propagé. On avait cité beaucoup de preuves à la hada. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Quraysh, ils lui ont demandé un signe, et An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, regardez, al-qamar, et la lune, elle s'est fondue. Qala azza wa jal, iqtarabat as-sa'a wa nshaqqa al-qamar. La lune, elle s'est fondue. En deux morceaux. Et ils ont tous vu hada. Ils ont demandé le signe. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que la lune, elle s'est séparée en deux. Malgré cela, ils ont pas. Ils ont accusé directement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de sorcellerie. Ça montre quoi? Ça montre que nous, on fait da'wah. On montre. Et on essaye de faciliter aux gens, avec ce genre de preuves rationnelles, avec la raison, pour être une cause de leur guider. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, guide qui il veut. Hada, ça nous permettra, بإذن الله عز وجل, de se motiver à faire ta'wa. Et si quelqu'un n'est pas guidé, nous on ne possède pas hada. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. Le résultat, le fruit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui guide qui veut. Nous, on essaye d'être une cause de bien. قَالَ وَأَشْيَا كَثِيرَ مِنْ هَذَا النَّوْعِ لِيَعْرِفَ الْعِبَادَ أَنَّهُ الْمُتَصَرِّفُ التَّصْرِيفَ الْمُطْلَقَ. Ça montre que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Le feu, il n'a pas brûlé Ibrahim. Isa alayhi salatu wasalam, il est né sans père. Alors qu'à la base, c'est pas possible, il faut une cause. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de créer un être humain sans père, sans mère. Comme il l'a fait avec Adam. Kun fayakun. قال وأنه كما يتصرف بالأشياء بأسبابها المعلومة المرتبطة بها كذلك يتصرف بها بغير المعهودة. Tout ça, ça pousse l'être humain à croire. قال ولهذا كان جمهور هذا النوع من معجزات الأنبياء والكرامات للأولياء وقد تكون لغيرهم وهي كلها براهين على وحدانية الله وإلهيته وربوبيته. C'est pour ça que Allah سبحانه وتعالى il a donné هذه الكرامات, هذه المعجزات, ces miracles aux prophètes et aux messagers en général et كذلك à d'autres. Pourquoi? Pour que ça soit un signe, une preuve que Allah سبحانه وتعالى il existe et pour que هؤلاء ils acceptent le message. نعم نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. demain إن شاء الله تعالى à la même heure 18h45 heure de France on continue l'étude de nos livres ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.